téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire Clinton-Lewinsky, l'histoire d'un adultère et d'une démocratie infidèle. En 1998, une jeune stagiaire prétend avoir eu une relation amoureuse et consentie avec le président des États-Unis, Bill Clinton. L'intéressé nie fermement et le jure sous serment. Mais les preuves sont contre lui, notamment la fameuse robe bleue tachée de Monica Lewinsky, du plus mauvais effet lorsqu'on est censé représenter l'autorité morale du pays. Bill Clinton entre dans l'histoire comme le deuxième président des États-Unis à faire l'objet d'une procédure dite d'impeachment. L'affaire Monica Lewinsky comporte tous les ingrédients d'une comédie dramatique. Le héros infidèle, l'horrible inquisiteur, l'épouse courageuse, la maîtresse candide, la confidente perfide et les hommes de l'ombre. Il y a les méchants calculs, les petites vilainies, les demi-mensonges et la grande scène finale sous le regard avide des caméras. Parfois grotesque, mais surtout inquiétante, cette histoire est tout sauf dérisoire. C'est la démocratie elle-même, ses institutions et son fonctionnement qui sont remis en question. Notre invité aujourd'hui, Philippe Reltier, un journaliste au sein de la cellule Enquête Investigation de France Inter. Il se trouve qu'il était correspondant à Washington pour Radio France de 1990 à 2001, donc à l'époque des faits. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacobovies. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Lundi 10 juillet 1995, Washington DC. Un peu à l'étroit dans son tailleur bleu marine, un joli collier de perles autour du cou et le brushing impeccable, Monica Lewinsky, 21 ans, veut faire bonne impression. Tout juste diplômée en psychologie, c'est son premier jour de stage, à la Maison Blanche, s'il vous plaît. Et elle ne connaît rien des us et coutumes de la capitale, non. Elle, c'est plutôt la Californie, père oncologue richissime, enfance dorée mais malheureuse à Beverly Hills, dans la banlieue de Los Angeles. Adolescente, elle souffre en effet du divorce tumultueux de ses parents. Elle souffre aussi de ses rondeurs qui varient au gré de ses régimes, de ses déprimes. Grâce à un ami de la famille, elle débarque donc sur la côte Est, prête pour une nouvelle vie. À la Maison Blanche, elle rejoint les nombreux jeunes stagiaires qui pendant quelques mois répondent au téléphone, font des photocopies et portent le café et le courrier. Avec son visage rond, ses grands yeux clairs, sa chevelure de jais et son teint diaphane, Monica a tout pour plaire, l'entrain et l'exubérance en plus. Car elle n'a pas froid aux yeux, Monica, et elle aime séduire d'ailleurs. Elle en fait trop. À la Maison Blanche, on la surnomme vite l'incruste, tant elle est douée pour s'inviter dans les cocktails, toujours aux premières loges lorsqu'on annonce l'arrivée du président qu'elle trouve sexy. Après un mois d'efforts, à l'occasion d'une cérémonie officielle, Bill Clinton la remarque enfin et il la salue. Alors pour Monica, ce 9 août 1995, la Terre s'arrête de tourner et c'est le coup de foudre. Le lendemain, elle le retrouve à une fête donnée par son staff pour son 49e anniversaire. « Happy birthday, Mr. President », lui dit-elle façon Marilyn Monroe à guicheuse. Clinton fixe ses yeux dans les siens et vice-versa. Quelques années plus tard, dans sa première interview télé sur la chaîne ABC, la jeune femme revient sur ce jeu de séduction. La première fois que je l'ai vu, c'était lors d'une cérémonie d'accueil à la Maison Blanche. Et j'en ai eu le souffle coupé. Il a monté les marches du podium et j'ai vu cet homme plein d'énergie, de sensualité si séduisant. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois que je le voyais, il y avait entre nous d'intenses échanges de regards. Trois mois plus tard, en novembre 1995, Monica est promue au bureau des affaires législatives, situé dans l'aile ouest, épicentre du pouvoir. L'amoureuse se rapproche donc du bureau ovale et lorsqu'elle croise le regard de Bill Clinton, elle ne fait pas dans la nuance. Le président, lui, est sous le charme, touché par cette gamine extravertie et complexée à la fois, en tout cas provocante et fragile. Le 15 novembre 1995, il l'invite à visiter les bureaux présidentiels. Il m'a demandé s'il pouvait m'embrasser. J'ai dit oui, confiera-t-elle. S'ensuivent des gestes intimes, secrets d'alcôve. À des années-lumière de son épouse, Hillary, Monica donne l'impression à Bill qu'il a 25 ans. La jeune femme le couvre de cadeaux et l'écoute éperdue d'amour. Pendant un an, la relation s'installe, mais avec prudence. Une dizaine de rencontres furtives, quelques caresses en cachette, jamais dans un lit, jamais complètement. Au sein de l'aile ouest, pourtant, tout le monde a bien remarqué que le président en pince pour la stagiaire, et personne, bien sûr, ne dit mot, n'a trop peur que cela se sache et que cela compromette leur avenir, car, en fin de cette année 95, le démocrate Bill Clinton est bien décidé à briguer un second mandat. L'élection aura lieu l'année suivante. En attendant, opération séduction sur le plateau de télé. You know I can be found. That's all I can do. C'est tout ce que je sais faire. J'ai un message pour la presse de New York. J'ai la voix enrouée. Un séducteur né, ce Bill Clinton. Au départ, plus à l'aise avec les femmes qu'à la tribune. Mais après deux premières années de présidence chaotique, il a modéré son discours, laissant de côté ses grandes réformes sociales. Les républicains apprécient, les démocrates continuent de le soutenir et les sondages d'opinion remontent. Même son épouse Hillary, élue femme la plus détestée d'Amérique, gagne en popularité. Le 24 janvier 1996, lors de son traditionnel discours de l'Union, le président lui rend d'ailleurs un vibrant hommage. Avant de commencer, je voudrais remercier ma propre famille et remercier celle qui m'a appris plus que n'importe qui pendant 25 ans. Sur l'importance de la famille et des enfants, une femme formidable, une mère magnifique et une grande première dame. Merci. Un mariage stable, une famille heureuse, des enfants élevés dans la foi, essentiel pour quiconque voudrait être élu aux États-Unis. Donc, non, pas question de compromettre ses chances de réélection par un scandale sexuel avec une stagiaire. Surtout que Bill Clinton n'est pas à l'abri d'une réaction en chaîne. Au cours de sa déjà longue carrière politique, il a eu plus d'une conquête, notamment lorsqu'il était gouverneur de l'Arkansas. Mais tout est différent à présent. À la Maison-Blanche, chaque rencontre, chaque coup de téléphone, chaque déplacement est contrôlé, répertorié, commenté. Il est donc urgent d'exfiltrer Monica Lewinsky. On lui trouve un poste au Pentagone où elle débarque, mortifiée, le 5 avril 1996. 7 mois plus tard, exactement le 5 novembre, Bill Clinton est réélu triomphalement. Je vous suis plus reconnaissant que je ne peux l'exprimer. Vous m'avez donné une opportunité et une responsabilité comme peu de gens en ont. Je ferai de mon mieux. Et ensemble, nous bâtirons la route qui mène au 21e siècle. Merci, au revoir, Dieu bénisse l'Amérique. Pendant ce temps, au Pentagone, Monica Lewinsky s'ennuie ferme dans l'univers des képis. Et ses relations avec le président s'effilochent dangereusement. Pour la Saint-Valentin, le 14 février 1996, elle publie un message anonyme dans le Washington Post, adressé à un mystérieux handsome, traduction « beau gosse ». Ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter. La citation extraite de Roméo et Juliette reste sans réponse. Mais Monica insiste. Pendant des mois, elle le harcèle de coups de fil, multiplie les pleurs et fait le siège devant le bureau de Betty Curry, la fidèle et discrète secrétaire du président. Bon, parfois Bill Clinton cède, puis il regrette. Et puis, il a vieilli, les avances très appuyées de la jeune fille le mettent mal à l'aise. En mars 1997, après 1 an et demi de romance, il met fin à leur relation et pour Monica, le monde s'écroule. Bill Clinton ne s'en préoccupe guère, il a bien d'autres problèmes à gérer. Depuis son installation à la Maison Blanche, il y a 4 ans et demi, lui et sa femme Hillary sont la cible de violentes attaques de la part des républicains qui ne cessent de mettre en doute la crédibilité, l'honnêteté, voire la moralité du couple. En mars 1994, la presse partisane déterre une vieille affaire, le scandale Whitewater, un imbroglio politico-financier lié aux investissements immobiliers des Clinton dans l'Arkansas. C'était du temps où Bill était gouverneur. Explication. Whitewater, c'est cette propriété constructible, dont le nom est lentement devenu synonyme de scandale, alors même qu'aucune charge ne pèse contre Bill Clinton, ancien actionnaire de l'immobilière Whitewater, à l'époque où il était gouverneur de l'Arkansas. Le président est aujourd'hui soupçonné d'avoir voulu empêcher la justice américaine de se pencher sur son passé financier. Mais Whitewater est un nom qui sonne comme Watergate, du nom de cet immeuble de Washington où le vulgaire cambriolage d'un local du Parti démocrate aboutit à la démission du président Nixon en août 1974. Question, est-on aujourd'hui en présence d'un nouveau Watergate ? Mensonges, trafic d'influence, malversations, escroquerie présumée, oh, ce n'est pas encore un Watergate. Mais les soupçons sont graves. Et au Congrès, majoritairement républicain, les initiatives présidentielles sont bloquées. Alors, pour remettre son gouvernement au travail et montrer qu'il n'a rien à cacher, Bill Clinton demande à sa ministre de la Justice, Janet Reno, de nommer un procureur spécial chargé de l'affaire Whitewater. Mise en place après les scandales du Watergate, cette fonction confère à un procureur indépendant des pouvoirs exceptionnels, lui permettant d'enquêter sur les plus hauts personnages de l'État, dont le président, sans limite de budget ni de temps. Ainsi bien armé, le super procureur en question s'appelle Kenneth Starr. D'origine texane, fils d'un pasteur fondamentaliste, c'est un juge respecté, travailleur, intègre. On le dit également pédant et carrément bigot. D'ailleurs, il n'a jamais caché ses sympathies les plus conservateurs des républicains avec qui il partage une violente aversion contre les Clinton. Car cela représente tout ce que ce parti déteste, baby-boomers privilégiés, intellectuels de gauche, beaux parleurs, contestateurs aux mœurs débridées. Le meilleur exemple est encore cette autre affaire qui éclate quelques mois après la première élection Clinton. Le 6 mai 1994, une plainte est déposée à son encontre pour harcèlement sexuel. La victime présumée s'appelle Paula Jones, 28 ans, fonctionnaire. Elle explique que 3 ans auparavant, en 1991, Clinton, alors gouverneur de l'Arkansas, l'a entraînée dans la chambre d'un hôtel. La suite, elle la raconte au micro des journalistes américains. We talked for a few moments. Nous avons parlé pendant un moment, puis il a pris mes mains. Il a défait sa cravate, il m'a attiré vers lui. J'étais inquiète et me suis éloignée. Il a essayé une deuxième fois. Il s'est approché, il m'a caressé les jambes, je l'ai repoussé, me suis éloignée. Il a continué comme ça. Puis avant que j'aie le temps de m'en apercevoir, il a baissé son pantalon. Et Bill Clinton m'a demandé de lui faire une fellation. Depuis ce jour, une très âpre bataille juridique est lancée entre l'avocat de Bill Clinton, Bob Bennett, et ceux de Paula Jones, payés par les ultra-conservateurs. Un procès aura lieu, décision du Congrès, qui entérine une décision historique, car c'est la fin de l'immunité présidentielle. Pendant ce temps, le procureur spécial Kenneth Starr, chargé lui d'enquêter sur l'affaire Whitewater, travaille avec toute une équipe de juristes, de contrôleurs d'impôts et d'agents du FBI. Mais après 4 ans d'enquête et les millions de dollars dépensés, ces investigations ne donnent rien. Pourtant, le procureur ne désarme pas. Pour lui, les Clinton sont forcément coupables. Bien, reste à trouver de quoi. Il collecte aussi plusieurs accusations d'abus de pouvoir. Et jusqu'en 1996, il lance divers scandales, du Travelgate au Filegate, mais ça ne prend pas. Le magistrat manque de preuves et l'opinion s'y perd. Il décide alors de suivre une autre piste, classique celle-là, le sexe. Printemps 97, la jeune Monica, exilée au Pentagone, larguée par Bill Clinton depuis un mois, pleure son amour perdu. Elle sent bien que s'il répond encore de temps en temps à ses coups de fil, c'est juste pour essayer de la calmer et surtout de la faire taire. Acculé, coincé entre l'affaire Paula Jones et l'infatigable Kenneth Starr, le président veut à tout prix éviter le scandale et épargner sa femme au passage. Alors, il fait miroiter à Monica un nouveau poste, à New York, loin de Washington. Mais la jeune femme a besoin de parler. Au Pentagone, elle s'est faite une nouvelle amie, Linda Tripp, ancienne de l'administration George Bush, exilée elle aussi de la Maison-Blanche. Elle pourrait être sa mère, elle devient sa confidente. Devant les caméras d'ABC, Monica raconte cette rencontre. J'ai rencontré Linda Tripp lorsque je travaillais au Pentagone. Et quand j'ai appris qu'elle avait aussi travaillé à la Maison-Blanche, ça m'a attirée. C'était clair que pour moi, c'était l'endroit où je voulais être, l'endroit où j'espérais, où je pensais revenir. Elle me disait des choses comme « Tu es vraiment la femme parfaite pour le président » ou encore « Tu devrais vraiment retourner à la Maison-Blanche et je suis sûre que tu pourrais être sa maîtresse. » Et après l'élection, je l'ai aperçue à la cafétéria du Pentagone et je me suis dit « Oh mon Dieu, elle va continuer à me dire encore et encore que je dois retourner à la Maison-Blanche et que maintenant que l'élection est terminée, ça y est, c'est mon tour. » Moi, je suis prostrée, là, effondrée par ma rupture et je lui dis « Écoute, j'ai une relation avec lui et c'est terminé maintenant et ne va pas croire que ça pourrait se reproduire. » You don't need to be thinking this is going to happen again. Linda Tripp est républicaine, totalement républicaine. Elle déteste les Clinton, suppôt de la décadence, dit-elle. Et elle nourrit l'ambitieux projet d'écrire un livre à charge contre eux. L'installation de Monica Lewinsky dans le bureau à côté du sien est donc une aubaine. Elle lui prête une oreille attentive et bientôt, la jeune femme lui confie ses amours clandestines. Un jour, Monica lui révèle l'existence d'une tache suspecte sur la robe bleue qu'elle portait à leur dernière rencontre. « Oh là, ne la lave surtout pas !» lui intime Linda. Monica obtempère et continue à se confier des nuits entières. Le téléphone coincé contre l'oreille, Linda prend des notes et bientôt, elle se procure un magnétophone. Est-ce que tu pleurais? J'étais bouleversée. Je n'en peux plus. Je sais. Oh my God. Oh mon Dieu. C'est trop lourd, c'en est trop pour une seule personne. Oui, je sais, c'est trop lourd, c'est vraiment trop. Parallèlement, le procureur spécial Kenneth Starr poursuit ses recherches et fouille sans relâche dans la vie sexuelle du président. Toutes les femmes ayant travaillé un jour avec Bill Clinton sont appelées à témoigner. À la fin de l'année 97, sa rencontre avec Linda Tripp est décisive, forcément. Elle lui révèle l'existence de 17 cassettes, 22 heures de conversations enregistrées avec la maîtresse du président à son insu. Et c'est un don du ciel pour Kenneth Starr. Pas très légal, certes, mais il tient désormais son arme secrète pour destituer Bill Clinton. Évidemment, l'adultère n'est pas un crime, mais il va s'en servir pour tendre un piège. Il suffira que le président jure sous serment qu'il n'a pas eu de relation avec Monica Lewinsky. Et lui, grâce aux cassettes, pourra prouver le contraire. Alors, mensonge, parjure, destitution imparable. Et comme par magie, le 7 janvier 1998, Monica Lewinsky est appelée comme témoin dans la phase préparatoire du procès Paula Jones, cette jeune femme qui accuse Clinton de harcèlement sexuel. Dans un document écrit, Monica affirme qu'elle n'a jamais eu de relation sexuelle avec le président. Elle l'aime toujours, elle veut le protéger, mais elle vient de mentir sous serment. Désormais, Kenneth Starr a un argument contre elle, et il va s'en servir, bien sûr. Maintenant, la jeune femme est à sa merci. Dix jours plus tard, elle est interpellée par deux agents du FBI qui l'interrogent comme une criminelle pendant 12 heures dans une chambre du Ritz-Carlton de Washington. Légalement, elle est libre de partir, mais tout est fait pour l'intimider. Elle avait tout à fait le droit d'avoir une relation avec le président et aussi le droit de ne pas le révéler, oui. Mais elle a menti sous serment et par écrit, elle risque la prison. Alors, en sanglots, elle avoue sa liaison. Mais elle jure que personne ne lui a jamais demandé de mentir, que personne ne lui a promis un job en échange de son silence. Le lendemain, 17 janvier 1998, le président est cité comme témoin par les avocats de Paula Jones. Main droite sur la Bible, il jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. La déposition dure 6 heures. Il affirme, en employant soigneusement le présent, « Je n'ai pas de relation sexuelle avec Monica Lewinsky ». Il vient de mentir, Kenneth Starr jubile et obtient un mandat légal pour enquêter sur l'affaire Monica Lewinsky. Prétexte, le parjure. 2 jours plus tard, le scandale éclate dans la presse du monde entier. C'est le début du Monica Gate. Un nouveau scandale touche aujourd'hui le président américain. Il aurait entretenu pendant près de 2 ans une liaison avec une stagiaire de la Maison Blanche. Plus grave, il lui aurait demandé de faire un faux témoignage dans l'affaire Paula Jones. Bill Clinton risque rien de moins que la destitution et même une peine de prison. Du coup, même les relations internationales en sont perturbées. Yasser Arafat était venu parler du processus de paix au Proche-Orient. Une discussion interrompue par l'affaire. Agacement de Clinton. Bon, je vais répéter ce que j'ai déjà dit hier. Ces allégations sont fausses. Et je n'ai demandé à personne de faire un faux témoignage. Le ton est donné, la meute est lancée. À la Maison Blanche, c'est la consternation et l'angoisse. Bill Clinton comprend que l'affaire est grave. Pourtant, pense-t-il dans son fort intérieur, il ne ment pas vraiment. Il n'est jamais allé jusqu'au bout avec Monica et il se persuade que fellation ne vaut pas pénétration. Mais ses petits arrangements avec sa conscience sont impossibles à expliquer face à la justice et face au public. Et puis c'est plus fort que lui. Toute sa vie, Bill Clinton a cultivé le doute, manié l'art dangereux du demi-mensonge. En 1992, par exemple, il a avoué avoir fumé de la marijuana avant d'ajouter « mais j'ai pas avalé ». Le procureur Kenneth Starr vient donc de toucher le talon d'Achille du président et Clinton est ivre de rage. Ses avocats lui conseillent de garder le silence, mais face à la marée montante des appels à la démission, il décide de faire une déclaration officielle à la télé, en direct. Aïe, ne lui a-t-on jamais dit que la colère est très mauvaise conseillère ? Did it again? I made you believe we're more than just friends. Oh, baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Something I want you to have. Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this... Yeah, yes it is. But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air. Well, baby, I went down and got it for you. Aw, oh, you shouldn't have. Je veux que vous m'écoutiez. Je me dois de le dire à nouveau. Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme, Mademoiselle Levinsky. Je n'ai jamais demandé à personne de mentir. Pas une seule fois. Jamais. Ces allégations sont fausses et je dois retourner travailler pour le peuple américain. Merci. Le 26 janvier 1998, une semaine après la révélation par la presse de l'affaire Monica Lewinsky, le président Clinton affronte les caméras de télé. À ses côtés se tient sa femme, Hillary, droite comme un i dans son tailleur jaune vif. Elle a choisi de le croire. Depuis toujours, elle fait équipe avec son mari et ce n'est pas une stagiaire insignifiante qui va tout gâcher. La déclaration s'achève sur un malaise. Tout le monde sent qu'il n'est pas tout à fait normal que le président des États-Unis rende des comptes publics sur ses relations sexuelles. Oui, malaise. Le lendemain, sur la chaîne ABC, Hillary dénonce un vaste complot de l'extrême droite et elle dit « Nous avons ici un procureur, Kenneth Starr, motivé politiquement, qui a véritablement passé 4 ans à remuer la boue et à intimider les témoins. » Et d'ailleurs, il ne s'arrête pas là, Kenneth Starr. Il confie au grand jury la charge de l'affaire Monica Lewinsky. Ça veut dire que 23 jurés devront décider s'il y a suffisamment d'éléments à charge pour justifier la tenue d'un procès. Pendant 9 mois d'enquête, ils vont siéger tous les jours. La mère, les amis, les collègues de Monica sont interrogés, tout comme Betty Curry, la secrétaire personnelle de Bill Clinton et même ses gardes du corps. Une inquisition qui choque l'opinion jusqu'à la lassitude. À l'image de ces Américaines interviewées dans la rue. Je ne pense pas que c'est très important parce que je pense que c'est plus important ce qu'il fait avec le pays et je pense qu'il est un très bon président. Il y a eu un président très célèbre dans le passé, bien connu pour avoir eu une esclave comme maîtresse. C'est comme ça depuis toujours. D'entendre ces choses obscènes qui sont arrivées dans son bureau avec des gens qui venaient demander un travail ou qui travaillaient déjà au gouvernement. Oui, vraiment, ça je désapprouve. Mais la cote du président remonte dans les sondages. Ils sont plus de 60% à soutenir sa politique, alors au diable, les secrets d'alcôve. Au printemps 1998, soit 6 mois après la révélation du scandale, certains journalistes font même leur examen de conscience, confessant leur voyeurisme. Le procureur Starr, de plus en plus impopulaire, lui, n'a aucun remords. Et il continue d'interroger inlassablement Monica Lewinsky jusqu'au harcèlement. Le 28 juillet 1998, face à une telle pression, ses avocats concluent un marché avec le procureur. L'immunité pour Monica en échange de ses plus intimes souvenirs. Et à la moindre hésitation, elle sera traînée en justice pour parjure et obstruction. Voilà, c'en est terminé de sa vie privée. La jeune femme de 25 ans, qui n'a en réalité rien à se reprocher à l'égard des lois de son pays, déballe tout, des mots tendres jusqu'aux jeux érotiques. Coup de chance pour le magistrat. Monica a une très bonne mémoire et des preuves. Le procureur Starr réclame alors la pièce à conviction. Quoi de plus concret qu'une robe de Monica souillée par le sperme du président ? Selon la presse américaine, l'ancienne stagiaire aurait remis cette robe honteuse au procureur. Ce dernier, en janvier, avait perquisitionné chez elle à Washington, mais ne l'avait pas trouvée. Et pour cause, Monica l'avait apparemment cachée à New York, chez sa mère. Le FBI devrait maintenant faire des analyses pour déterminer si la dite robe porte bien des traces d'ADN qui pourraient accabler Bill Clinton. Monica Lewinsky aurait aussi remis des cassettes de messages téléphoniques laissés par Bill Clinton sur son répondeur. Si ces preuves existent, elles pourraient montrer que depuis 7 mois, Bill Clinton ment à l'Amérique entière en niant avoir eu une relation sexuelle avec cette jeune femme. Panique à la Maison-Blanche. Bill Clinton est convoqué devant le grand jury. Fort des résultats ADN, Kenneth Starr peut à présent prouver que le président a menti, oui, lorsque 6 mois auparavant, il a nié sous serment avoir une relation sexuelle avec Monica. Alors, que va-t-il pouvoir dire ? S'il nie, ce sera sa parole contre celle de Monica. S'il chipote sur le terme légal de relation sexuelle, il sombrera dans le ridicule. Et puis s'il reconnaît avoir menti, eh bien, l'accusation de parjure aura été prouvée. C'est les taux. Quel que soit le cas de figure, le feuilleton du Monica Gate n'a pas dit son dernier mot. Le 17 août, face au grand jury, Bill Clinton prête encore une fois serment sur la Bible. En guise de préliminaire, il tient à faire une déclaration et il dit « Quand je me suis retrouvé avec Mademoiselle Lewinsky à certaines occasions début 1996 et une fois en 1997, oui, j'ai eu une conduite que je déplore. Ces rencontres ne comportaient pas de rapport sexuel avec pénétration, mais elles comportaient des contacts intimes déplacés. Sa déposition dure plus de 4 heures, enregistrée sur vidéo. » Il en sort épuisé, vidé et dans une colère folle. Il a pourtant décidé de s'adresser une fois encore à la nation, en direct, à la télé. L'exercice le plus périlleux de toute sa carrière. Oui, j'ai bien eu avec Mademoiselle Lewinsky une relation qui n'était pas convenable. C'était une erreur. Ce fut de ma part une grave erreur de jugement et un manquement personnel dont je porte seul l'entière responsabilité. Mais j'ai déclaré au grand jury, et je vous le répète ce soir, je n'ai jamais demandé à quiconque de mentir, de cacher ou de détruire des preuves, ni de commettre quoi que ce soit d'illégal. Je sais que mes déclarations et mes silences sur cette affaire ont donné une impression fausse. J'ai trompé le public, y compris ma propre femme. Je le regrette profondément. Désormais, cette affaire ne concerne que moi et les deux personnes que j'aime le plus, ma femme et notre fille, ainsi que notre Dieu. Même les présidents ont une vie privée. Trois semaines plus tard, le 9 septembre 1998, le procureur Kenneth Starr remet son rapport d'enquête aux membres du Congrès. À eux désormais de décider s'il y a matière à enclencher une procédure en destitution, le fameux impeachment. Et la mise en scène est soignée. Devant le Capitole, 36 cartons scellés sont transportés dans un cortège de voitures devant les caméras. Ils contiennent un pavé de 445 pages complété par 60 000 pages d'annexes. Comme durant toute cette affaire, les fuites sont immédiates et bien dès le lendemain, le rapport Kenneth Starr est intégralement disponible sur Internet. À l'intérieur, pas un mot sur l'affaire Whitewater, pour laquelle, rappelons-le, le procureur était censé enquêter. Au dire des lecteurs, il s'agit plutôt d'un recueil pornographique. Il se conclut en tout cas par 11 chefs d'inculpation. Clinton est jugé coupable de multiples délits, parjures, obstruction de justice, abus de pouvoir. Le 19 septembre 1998, face au grand jury, Kenneth Starr persiste et signe. Le but de notre enquête était simple, démontrer que personne n'est au-dessus des lois. Le président a choisi la voie criminelle, celle d'un arrangement avec Monica Lewinsky. Ils ont menti tous les deux sous serment. Le lendemain de la publication, une foule de grands journaux appelle à la démission du président. Le dollar plonge, des pasteurs protestants demandent même qu'il soit exclu de l'église. Comme s'il était le seul Américain à tromper sa femme. Enfin, de tels excès finissent par calmer l'opinion qui en a plus qu'assez de cette grotesque affaire Lewinsky. Pensez donc, 11 mois que ça dure. Et l'opinion va le prouver par les urnes. En novembre 1998, les démocrates gagnent triomphalement les élections législatives. Hillary Clinton n'y est pas pour rien. Tout le monde loue son courage, sa dignité et même son silence. Pendant ce temps, un chapitre se referme en Arkansas. Paula Jones accepte finalement de retirer sa plainte contre Bill Clinton, négociant 850 000 dollars. Mais une autre s'ouvre. Le 12 décembre 1999, le Congrès majoritairement républicain, rappelons-le, entame le débat sur l'impeachment. Le résultat est sans surprise. 7 jours plus tard, Clinton est officiellement empêché, c'est-à-dire proposé à la destitution. dans toute l'histoire des États-Unis. Il devient le premier président élu à être mis ainsi en accusation. En 1868, le démocrate Andrew Johnson avait été acquitté, lui. En 1974, le républicain Richard Nixon avait préféré démissionner avant d'être destitué. Mais après le vote du Congrès, la décision finale appartient au Sénat. Pour que Bill Clinton soit destitué, il faudrait une majorité des deux tiers. Verdict, deux mois plus tard, le 12 février 1999. Mr. Akaka, not guilty. Mr. Allard, guilty. Mr. Baucus, not guilty. Il est acquitté des charges qui étaient retenues contre lui après cinq semaines de procès et des mois de polémiques. Les sénateurs américains ont tranché. Bill Clinton n'est pas coupable de parjure. Bill Clinton ne s'est engagé dans aucun complot. William Jefferson Clinton est acquitté dans l'affaire Monica Lewinsky. Le président prend bien soin de ne pas crier victoire. Il apparaît solennel et l'air contrit dans le Jardin des Roses pour répéter à quel point il est profondément désolé pour tout ce qu'il a dit. Après une année de scandales médiatiques, de débats sous la ceinture et des millions de dollars dépensés, il lui reste encore 12 années de présidence. Aujourd'hui encore, les Américains approuvent son travail. Clinton peut se prévaloir d'avoir présidé entre 1993 et 2001 à la plus longue période de croissance économique en temps de paix, équilibrant le budget, réduisant le chômage et l'inflation. Mais l'opinion se montre autrement plus dure lorsqu'il s'agit de juger l'homme. Drôle d'affaire que ce Monica Gate. Dans ce qui est convenu d'appeler la première démocratie du monde, pays à la fois critiqué et jalousé, on a vu des procureurs contraindre des jeunes femmes à tout révéler de leurs relations intimes, des télés en diffuser les plus petits détails à des millions de téléspectateurs, des juges disserter sur la signification d'un geste érotique et des hommes politiques se comporter comme des inquisiteurs de la morale privée. Ou comment la démocratie, parfois, peut mettre en danger la démocratie. Day I walk down the street I used to wander. Yeah, I shook my hand and made myself a bet. But there was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? Brush my shoes and I hum from the rearview mirror. Brides the admiration in a blind spot of regret. There was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky I can one man get. Down the street I used to wander. Yeah, scratched my head and lit my cigarette. Well, there was all these things that I don't think I remembered. Hey, how lucky can one man get? Vous écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui l'affaire Clinton-Lewinsky, dont nous allons parler avec notre invité Philippe Reltien. Bonjour Philippe. Bonjour. Journaliste au sein de la cellule Enquête Investigation de France Inter. Aujourd'hui, vous étiez correspondant à Washington pour Radio France de 1990 à 2001, au moment des faits, donc aux premières loges de cette affaire Monica Lewinsky. D'abord, Et à l'écoute du récit, on a un peu ce sentiment, des présidents américains ont fait des choses beaucoup plus graves. George Bush et son invasion en Irak, qui a donné notamment l'apparition de Daesh, Johnson et le Vietnam, Nixon et le Watergate. N'oubliez pas Kennedy. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de profondément, alors peut-être choquant pour nous, Français, peut-être, je ne sais pas, de voir un tel acharnement sur un fait sexuel qui ne va pas rendre le monde plus malheureux, c'est évident. Je dis le monde parce que les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. C'est parce que tout se lie à travers la politique à Washington. Vous avez là un milieu, un terreau extrêmement intéressant entre des gens qui se supportent ou ne se supportent pas. Vous voyez, Bill Clinton, c'est le gars qui arrive de son pueblo, Little Rock, au fin fond de l'Arkansas, l'outsider total. Il arrive dans une ville où il y a des codes, où il y a des strates. Bien sûr, vous avez les Noirs à côté les Blancs, et puis vous avez des fonctionnaires, les anciens fonctionnaires, des institutions internationales ou bien du Pentagone. Tout le monde vit, et cette ambiance n'est pas forcément complètement libérale, et parfois même très conservatrice. Donc vous avez Bill Clinton qui arrive d'un peu nulle part, d'une autre planète, le baby boomer, qui adore les Mustangs décapotables, qui aime les femmes, qui vous emballe, qui vous prend tout le temps par l'épaule, un gars vachement sympa. Le mec sympa, complètement. Oui, le mec sympa. et ce gars, il arrive avec sa doublure, qui elle est vraiment sérieuse, qui s'appelle Hillary Clinton, et qui ira beaucoup plus loin que lui, on l'a bien vu. Et eh bien, ils se mettent à faire le buzz à Washington. D'abord, il y a ce préjugé, c'est un combinard qui arrive. Comment est-ce qu'il peut être là? C'est elle qui a fait Yale, lui il a fait on sait plus quelle école. Bon, est-ce qu'il sait faire autre chose que des magouillages dans la promotion immobilière, etc., etc. Vous avez tous. Il arrive avec un dossier, ce qu'on dirait aujourd'hui un dossier, quoi. Oui, enfin qu'on connaît pas, qui est pas si important que ça, parce que vous êtes construit. Oui, par une opinion. Voilà. Et puis vous êtes le contexte de l'époque, c'est la crise des savings and loans, c'est-à-dire que vous êtes dans la dérégulation bancaire des années 80 et que les Clinton ont fait comme tout le monde, ils ont placé leurs économies dans un bord de rivière où finalement il y aura des bungalows en bois. Mais c'est pas la Trump Tower là qu'on est en train de construire. Hein. C'est vraiment un truc tout petit, tout petit. Et donc effectivement, il est très frustré, notre Ken Starr. Alors, à quel moment, parce qu'il y a eu d'abord des rumeurs, à quel moment vous avez commencé à prendre au sérieux cette histoire et à vous dire, oulala, ça sent le roussi, pour ce président-là, ça peut aller loin? C'est simple, c'était le week-end du samedi 17 janvier et du dimanche 18 janvier, donc en 1998. Oui. Et bon, c'est le début de l'Internet et donc il n'y avait pas encore de lanceur d'alerte, véritablement. Mais ce qu'il fallait savoir, c'était que le samedi soir, vous aviez le deadline pour la publication des articles un petit peu chauds dans Newsweek. Mmh. Et ce samedi soir-là, eh bien, l'article qui devait sortir des deux limiers de Newsweek, qui s'appelait Isikoff et Kledman, le deuxième c'était mon copain, il parlait parfaitement français, eh bien, il sort pas, il est bloqué. Et Matt Drudge, qui est leur pote, lui, il a un site qui s'appelle le Matt Drudge Report, et le samedi soir, il met « Ouais, attention, article bloqué, Monica Lewinsky, relations sexuelles, stagiaire à la Maison Blanche, waouh, qu'est-ce que c'est ?» Bon, puis le lendemain, il commence à déballer, mais il déballe mal, il déballe le scandale, il dit pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que il y a un procureur indépendant derrière et qu'il a soupçonné l'obstruction de justice, c'est-à-dire que quelqu'un a fait mentir quelqu'un, et ce quelqu'un qui a fait mentir quelqu'un, c'est peut-être Bill Clinton. Et pourquoi tout ça va, si vous voulez, s'assembler logiquement, c'est que ce samedi-là, justement, à la Maison Blanche, Bill Clinton, eh bien, il fait sa déposition dans l'affaire Paula Jones. Alors tout ça, vous voyez à la télé, vous voyez arriver des vannes noires avec des vides fumées, et puis derrière il y a Kenneth Starr et ses boys. Alors ça rigole c'est pas. C'est un commando. Hein. Bah ouais. Et donc si vous voulez, on sait qu'il se dit des choses derrière, mais vous savez pas ce qu'il se dit. Simplement voilà de la fumée tout d'un coup. Voilà que le dimanche on vous dit bah tiens, il y a une stagiaire, s'appelle Monica Lewinsky, 22 ans, qui vient de la West Coast. Et puis Bill Clinton, eh bien bon. Alors vous dites oh et on se calme là, on va attendre que les institutions réagissent, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Nous, finalement, on n'est pas là pour ça. On est là pour suivre l'actualité internationale ou politique, bien sûr, et tout est politique. Donc, laissons quand même mûrir un peu et attendons ce que dit le Washington Post, qui est du même groupe que Newsweek. Et donc, c'est le mardi soir. Alors, il faut vous imaginer l'époque. Hein, on a encore des beepers, des trucs comme ça. Donc, on a Moi, je me souviens, je regarde, je cherche. Alors, j'ai vaguement lu le Matt Drudge Report. Et puis, je sais que le soir, vers 23h, je reçois le Washington Post. Et je lis l'article, enfin. Et là, je vois, soupçon d'obstruction de justice, Monica Lewinsky, relation impropre ou déplacée, ou ce que vous voulez, sexuelle, oui. Et donc, je me dis, oula. Alors là, ce qui me fait réagir, c'est obstruction de justice. Voilà, c'est ça qui me fait réagir. Et d'ailleurs, ça nous renvoie au cœur de l'histoire, où il est plus jugé pour le fait d'avoir menti, et elle aussi que pour le fait lui-même. Enfin, on va vraiment exploiter le fait qu'il ait menti. Ben, bien sûr. Nixon, tout de suite, on pense Nixon. Donc, c'est là que vous avez dit ça. Et puis, mais ce qui est extraordinaire, c'est que Hillary Clinton, elle, connaît bien mieux que Bill le fonctionnement du Congrès, parce que, à l'époque, en 74, Hillary Clinton, elle est au Congrès. Elle fait partie des gens qui tentent de mettre en accusation Nixon. Ouais. Voilà. Donc, elle sait, elle, sans doute, elle doit savoir. Mais ça va revenir comme un boomerang de la part des républicains. Cela dit, alors c'est pas le plus important, mais quand même, il y a peut-être un parallèle. Tout le monde sait, à l'époque, Bill Clinton est un coureur de jupons, hein, c'est un secret de polichinelle pour les initiés et les journalistes. Est-ce que c'est la même chose qu'on a connu, nous, un peu, en France, avec Dominique Strauss-Kahn, où on disait que certains journalistes étaient au courant, puis s'étaient tus au nom du respect de la morale, enfin de la vie privée. Voilà. Attendez, il y en a un là, qui est président. Oui, il y en a qui est président. Enfin, il y en a un autre qui était presque président. Hein, bon, il y en a qui est président. Est-ce que aux États-Unis on savait qu'il était un coureur de jupons et on disait rien? Mais si, puisque c'était un feuilleton, quelque chose qui paraissait pas si essentiel que ça, puisque on avait tous les noms qui sortaient, on avait toute une brochette, excusez-moi du terme, mais on avait commencé par Jennifer Flowers pendant la campagne de 92. Ensuite on a eu Paula Jones, ensuite on a eu Kathleen Willey. Mais justement, c'était mes copains de Newsweek qui suivaient l'affaire Kathleen Willey, et c'est pour ça que je suis allé les voir en leur disant qu'est-ce qui se passe là. Bon, et puis après on a eu Monica Lewinsky, et voilà, et on est allé, si vous voulez, il fallait quand même choisir, hein, ou bien vous étiez dans l'investigation, être dans l'ombre du procureur, etc., pour savoir où il allait. Et à un moment donné, on comprenait bien pourquoi nos amis de Newsweek, ils allaient plutôt vers le Pentagone, plutôt vers Linda Tripp, la confidente, oui. Et tout ça, c'était des fuites, parce que si vous voulez organiser, mais bien sûr, parce que le office du Independent Counsel, ça s'appelait comme ça, le bureau de Kenneth Starr, ben il y avait plein de juristes là-dedans, et donc on croisait, Isikoff les croisait, ils se connaissaient, ils allaient voir des coups, et si vous voulez, c'est comme ça que il avançait, lui il avançait, il trouvait Linda Tripp. En trouvant Linda Tripp, il a fini par trouver les bandes magnétiques, c'est-à-dire les enregistrements des confidences, ce qu'on a entendu tout à l'heure, un extrait tout à fait. Bon, alors c'est vrai que Bill Clinton a vécu un chemin de croix quand même, personnellement c'était extrêmement dur. Il a même dit je suis le roi du pardon. On va écouter une archive, elle date de septembre 1998, après la révélation du scandale. Donc Clinton ne cesse de s'excuser, de demander pardon. On l'avait vu en leader accusateur, le voilà en pèlerin repentant. I don't think there is a fancy way to say that I have sinned. Il n'y a pas 36 moyens de dire j'ai péché. C'est important que tous ceux qui ont été offensés sache que mon remords est sincère. Et d'abord ma famille, also my friends, mes amis, my staff, mes collaborateurs, mon cabinet, Monica Lewinsky and her family. Monica Lewinsky et sa famille. Give me a clean heart. Let me walk by faith and not sight. Mon Dieu, purifie mon cœur. Guide-moi avec la foi. Aide-moi à aimer mes voisins, tous mes voisins, comme moi-même. Fais de moi un instrument de la paix divine. C'est ce que je voulais vous dire. Le don d'ubiquité de Philippe Raltia, ici présent, et c'est votre voix qu'on entend évidemment dans ce reportage que vous avez envoyé de Washington. Deux questions. Vous confirmez donc que Bill Clinton, de ce qu'on sait, a vraiment souffert, énormément souffert. Et qu'est-ce que ça dit de lui, de sa personnalité, la façon de gérer cette affaire, finalement? Mais justement, c'est un homme qui a une part de rigueur, une part d'indulgence. C'est-à-dire que quand on entend parler de rédemption, c'est toujours l'idée qu'on aura une deuxième chance dans une autre vie, ou on aura une deuxième chance dans la vie. C'est un homme qui est tout le temps comme ça, partagé entre le devoir de rigueur et puis l'indulgence. Alors, je me demande même si il n'a pas considéré que les 9 rencontres abouti ou pas avec Monica Lewinsky n'était pas justement une forme d'indulgence, c'est-à-dire des cadeaux qu'on lui aurait fait, etc. Mais d'un autre côté, je suis pas sûr parce que il est un peu ado aussi quelque part, je sais pas, il lui manque quelque chose pour distinguer vraiment que bon, la relation est déséquilibrée, que bon, il faut qu'il arrête, il lui faut 9 fois pour arrêter. On comprend que quelque part il aime jouer quoi. Ouais. Et donc c'est un drôle de personnage puisque toute sa tactique ça va être bon, je vais dire les choses petit à petit. D'abord je vais nier hein, puisque c'est ça qui cause le drame. Enfin on perd 11 mois là. Mais il faut juste omettre de dire toute la vérité. Voilà, c'est ça. Donc par exemple dans un témoignage qu'on a entendu dans un moment où il avoue qu'en 96 et 97 il a eu des relations déplacées, il oublie de dire 95 et vous savez pourquoi? Parce que tout commence en novembre 95. Mais parce que lui-même dans son fort intérieur il se dit mais c'est là où je suis en faute parce que c'est moi le patron et elle c'est la stagiaire. Après à partir de 96 elle est plus stagiaire. Bon donc elle est complètement consentante et puis c'est vrai elle l'aime quelque part son Bill. Elle trouve que c'est génial, vous vous rendez compte, mais c'est un conte de fées fantastique. Mettez-vous à sa place, c'est extraordinaire. Elle réussit à séduire, enfin c'est une séduction commune, disons. Elle réussit à séduire le président. Vous voyez, c'est quand même un record du monde, quoi. Et bon, voilà. Donc c'est après que ça va être dur pour elle. Alors, est-ce que ça entache finalement, je rappelais le bilan de Bill Clinton, de ses deux mandats, qui est un bilan globalement positif, pour reprendre une vieille expression. Oui, c'est vrai. Quand même, hein, globalement positif. Enfin, ce président. Mais parce que l'économie va bien, et que si dérégulation bancaire a fait que chacun s'en mettait plein les poches, la croissance est facile. On a l'impression que c'est une période d'insouciance aussi, tout le monde a l'air heureux tout d'un coup. Enfin, il faut pas exagérer non plus, parce que derrière, vous avez le surendettement qui revient, et fin 98, c'est juste à ce moment-là, la crise du surendettement elle revient, vous savez, ces millions et ces millions de logements qui étaient mis en vente tout d'un coup, ça veut dire que la crise des savings and loans, ces fameuses caisses de crédit, elle n'était pas terminée, donc la voilà qui revient très fort, fin 98, vous avez aussi la crise asiatique, c'est à ce moment-là, donc tout ça se chevauche et pendant qu'on est distrait par cette histoire Monica Lewinsky, vous avez quand même des choses graves qui se passent dans le monde, moi c'est ça que je regarde, ce qui se passe au Kosovo, ce qui se passe avec Al-Qaïda. Et vous savez qu'en pleine crise, tout à l'heure, on entendait la conférence de presse où Arafat, on n'en parle plus du Proche-Orient parce que Bill Clinton dit, mais attendez, non, je ne l'ai pas forcé à mentir, non mais ça devient délirant. L'attention est détournée gravement d'ailleurs. Oui, à ce moment-là, c'était grave parce que vous aviez le processus de rapprochement au Proche-Orient qui déraillait. Netanyahou ne voulait plus voir Arafat. Et puis vous aviez, c'est simple, vous avez un enchaînement là de journées très intéressantes. Le 15 août, Bill avoue tout à Hillary, vous imaginez la colère, hein. Et puis deux jours plus tard, il faut lancer des missiles sur l'Afghanistan et le Soudan tout d'un coup, quoi. Donc ils sont partis à Martha's Vineyard, boum, ça part. D'ailleurs, ces missiles, certains vont les appeler les Lewinsky, tiens. Et puis après, il revient à la Maison Blanche, il est à nouveau dans son rôle de chef d'état-major des armées, il fait la guerre à Al-Qaïda, puis tac, il repart 10 jours à Martha's Vineyard où à nouveau on est dans le soap opéra. C'est ça, ce mélange où il y a plus de ce mélange de l'information, il y a plus de priorité. Les Américains devaient être complètement paumés, à moins qu'ils aient apprécié ça. C'est possible d'ailleurs, hein, ce soap opéra, à condition que vous ne soyez pas acteur, mais seulement spectateur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit aussi des Républicains ? On a l'impression, vu de loin, que c'est un peu les grands méchants loups toujours de la politique aux États-Unis, les Républicains avec une certaine mentalité. Bah là, elle ressort quand même, hein, parce que ce procureur, il est conservateur. On sait bien où sont ses idées. Est-ce qu'il y a ça nous dit quelque chose, des Républicains? Ce sera la dernière question, il reste 45 secondes. Il était démocrate au départ, texan. Johnson était démocrate texan, il aurait très bien pu être chez les Républicains. Bon, donc ça veut dire qu'on peut être profondément conservateur dans sa tête et dans son esprit, qu'on soit démocrate ou qu'on soit républicain. Oui. Et ça veut dire aussi qu'à cette époque-là commence à apparaître cette haine, cette hystérie de certains instituts, de certains milliardaires qui les poussent. Et Madame Clinton avait peut-être pas tort en disant qu'il y a une machination derrière tout ça. Bon, on n'a jamais pu la prouver, mais effectivement, il a fallu des millions de dollars. Rien que l'enquête de Ken Starr qui a donné rien du tout, elle a coûté 40 millions de dollars quand même aux Américains. Et puis ça a été l'ascension des télévisions, de l'infotainment, du concurrent de CNN qui s'appelle Fox. Ouais. CNN qui nous avait très bien vendu la guerre du Golfe, et Fox qui là va nous vendre très bien, le Monica Gate. Merci Philippe, au revoir.